je vous présente un auteur, compositeur, interprète qui m'a été proposé il y a quelques années, Éric Vincent, à la fin de notre rencontre. Il me connaît-tu, Patrick Abrial? J'ai dit non. Et depuis ce temps-là, on est rendu les meilleurs amis du monde. Il mange, il vit, il vibre sous le rock and roll. Alors, mon ami, Patrick Abrial, à toi l'artiste. Là, on va parler d'amour. C'est la chose la plus importante. Ensemble depuis 3 220 000 ans, et chacun de nos instants ne ressemble à l'instant d'avant, et tu mets 2 sucres de lune dans ton petit déjeuner le matin, et même les petits oiseaux trouvent ça bien. Oh mon amour, je suis condamné à mourir. Condamné à mourir. Condamné à mourir. Et tu passes quelquefois une saison tout entière à te mettre comme ça, du bleu violet sur le bleu violet de tes paupières. Et nous vivons seuls, seuls, comme les derniers loups de Russie. Chacun pour soi et chacun sa vie. Je suis condamné à mourir. Condamné à mourir. Condamné à mourir. Et ton corps, à ton corps, à l'odeur du soufre et du jasmin, quand il s'enroule, roule sous le mien, et nous faisons et refaisons 1000 fois par jour la guerre de 100 ans, et il n'y a pas encore, encore si longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. Condamné à mourir. ou alors tout à l'heure, nous serons séparés. Alors je sais qu'on se retrouvera. Mais oui, bien sûr, on va se retrouver. Dans 3 millions 220 milliards de millions de milliards de millions de milliards de milliards milliards milliards milliards milliards milliards d'années. Oh mon amour, je suis condamné au monde. Condamné. Condamné à mourir. Condamné. Condamné à mourir. Condamné à mourir. Merci. Dans l'espace. Et qu'est-ce que je vois là? Près de la gare Saint-Lazare, sur un trottoir, en blouson noir, une fille qui danse, qui danse, qui danse, qui danse. Elle est belle. C'est la petite Jeanne. Jour de pluie dans une banlieue un peu pourrie, tant pis. Son père jouait du saxophone, sa mère rêvait de Barcelone. Maldon, cheveux blonds, grands yeux clairs, elle jouait à danser sous les trottoirs du ciel. De l'autre côté de la planète, il y en avait un qui dansait. La petite Jeanne, tu m'as cadamé, a dans les yeux du vagalin. La petite Jeanne, tu m'as cadamé, aurais voulu être une grande dame. Le monde entier est un manège. Le tout c'est d'y trouver un siège. Elle a connu des imbéciles qui ont même voulu l'emmener aux îles faciles. Et elle riait comme une enfant, même qu'aujourd'hui quand il y a du vent, je l'entends, on dirait une sirène qui jouait à chanter sur les trottoirs du ciel. De l'autre côté de la planète, il y en a bien qui chante sur la tête. La petite Jeanne, tu m'as cadamé, a dans les yeux du bas. Gala. La petite Jeanne, tu m'as cadavre, aurait voulu être une grande dame. Le monde entier est une loterie, on gagne et on perd à tous les prix. Elle a vendu son âme au diable pour un petit soldat de sable minable. Elle est partie un soir de pluie, on a rangé la comédie finie. Cheveux blonds, grands yeux clairs, elle jouait à danser sur les trottoirs du ciel. De l'autre côté de la planète, il y en a bien qui dansent sur la tête. La petite Jeanne du macadam a dans les yeux du vagalam. La petite Jeanne du macadam aurait voulu être une grande dame. Hey, la petite Jeanne du macadam a dans les yeux du vagalam. La petite Jeanne du macadam aurait voulu être une grande dame. Hey, la petite Jeanne du macadam a dans les yeux du vagalam. La petite Jeanne du macadam aurait voulu être une grande dame. Le monde entier est une danse, il faut trouver la bonne cadence. Si tu veux, si on fait un spectacle dans un festival, un gros festival où il faut jouer qu'une heure, là on va concentrer l'histoire sur ce qu'on imagine être peut-être les meilleurs par rapport à cet endroit. Tu vois, quand on fait les francopholies, bon, on peut jouer qu'une heure. Donc là, un spectacle de deux heures, faut enlever la moitié, c'est clair. Donc on garde certains trucs, voilà, parce qu'on sait que ça cogne à chaque fois. Et puis voilà, des fois on se trompe un peu, mais bon, c'est pas grave. Ah non, voilà. À deux, on peut se tromper. Voilà, voilà. On peut se tromper. Est-ce que dans ces chansons-là, il y a, tu sais que celle-là va fonctionner, celle-là va... Oui, on connaît un peu les, à force de les faire, on finit par connaître les trucs qui fonctionnent, qui accrochent plus que d'autres, par rapport à la fois à des rythmes, à des choses qu'on raconte. Et puis aussi des chansons où on fait chanter les gens. Ouais. Donc c'est hyper important de garder des chansons où tout d'un coup on emmène les gens avec nous à faire la, des chœurs. Ouais. Et puis partager, parce qu'en plus ça fait du bien pour la santé. Ouais. Des faire chanter. Ouais. Donc on les fait avec la banane. Voilà. Et puis c'est ça qu'on veut. Donc, ouais. Ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent avec la banane. Voilà, ça c'est le truc. Donc à la fin, on a un truc, si tu veux. On a une chanson qui s'appelle Le Testament, qui démarre par une reprise de Hendrix, qui s'appelle Voodoo Child. Bah oui. Donc il envoie bah. Donc les gens machin. Après je présente mon camarade, tac, je présente les gens. Et là c'est un peu fédérateur à chaque fois. Et les gens rigolent parce que le texte il est assez drôle. C'est un texte où je raconte que je lègue chaque corde de ma guitare à des gens. Voilà. Et donc, si tu veux, ça, c'est très fédérateur pour une fin de concert. Après, on a... Donc, après ça, ils demandent un rappel. Là, on sort une ou deux nouvelles chansons. On les teste un peu, on voit, on partage. Et ça se passe comme ça. Est-ce que tu te rends compte, quand tu fais des tournées, que tu vois plusieurs fois les mêmes personnes, t'es reconnais? Ah ouais. Ça, on a des fous. Hein. Ah ouais, c'est on, ça. On a deux, trois fous qui nous suivent en tournée. Alors figure-toi, ils sont deux ou trois à avoir, ils passent leur retraite avec des camping-cars quand il fait beau, et ils partent. Et donc ils regardent où vous êtes, ils regardent où vous êtes, et tout d'un coup on les voit là. Et puis après, le lendemain, voilà, ouais, c'est ça. C'est incroyable. Enfin, le lendemain, des fois 15 jours après, ah, ils sont là, tac, tac. Et ça, c'est extraordinaire. C'est alors, un du peu coup, comme trouver Charlie. Voilà, du coup, ça devient des copains. Bah oui. Voilà, bah ça va finir par devenir des... Voilà, ça, c'est assez drôle. Et Thibaut, mon fils, qui a, lui a joué avec les plus grands, donc Johnny, il avait... Qu'est-ce qu'il faisait? Il était guitariste de Johnny. Et donc, il m'a raconté qu'avec Johnny, il y avait, sur les tournées de Johnny, il y avait au moins 50 qui faisaient toute la tournée. Qui suivaient peut-être. Qui suivaient partout en bagnole, machin, qui payaient des sommes folles parce qu'il fallait l'hôtel à chaque fois, le machin, le truc. Juste aller voir, c'est pas donné. Et, bah, ouais, et en plus, c'est pas donné. Et c'est mais moi, j'ai un. Bon, et en fait, en discutant avec ceux qui nous suivent comme ça, il y en a quand même très peu, mais il y en a c'est un peu. C'est pas grave, c'est pas voilà. grave. C'est de, mais c'est des gens, ils sont tellement heureux que, si tu veux, que nous, ça nous rend encore plus heureux. Alors, quoi. Oui. C'est un truc incroyable. Quoi. Et après les spectacles, il y a quelques personnes qui viennent vous voir et qui vous parlent. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte que ton travail est important parce que ça ravive la flamme de certains. Ça... Oui, mais si tu veux, ils sont aussi importants pour nous. C'est-à-dire que s'ils n'existaient pas, nous, on serait rien. Oui. Mais t'es-tu surpris des fois des commentaires? Ah bah oui. Enfin, moi, ce que je veux, c'est qu'ils viennent avec le smile. Tu vois, c'est... La banane. Et la banane est heureux, est content, on fait des selfies, des machins, des conneries. Mais il y a des soirs où tu te sens pas bien, où ça va pas, mais quand tu commences, tu oublies tout ça. Ouais. Ah bah c'est... Non, mais ça, la scène, c'est un lieu privilégié. Figure-toi que... Si t'as mal à la tête ou t'as mal bouffé ou t'es un peu malade, enfin t'es pas très bien, dès que tu fais un pas sur la scène, c'est terminé, t'es guéri quoi. C'est hallucinant. Moi je l'ai eu beaucoup, enfin je l'ai eu au théâtre quoi, à une époque où j'ai fait du théâtre. Et puis là, de temps en temps, bon bah t'as fait la route, t'es un peu fatigué, bon ok, on se change quand même parce que il y a tout un rituel avant de jouer, je mets un autre pantalon plus serré, machin, tac, tac. Donc ça donne le peps, et puis plat, t'arrives sur scène et plombe. Ouais, parce que tu deviens un personnage en tête. Oui, tu deviens une sorte de personnage, une marionnette que toi tu diriges. C'est ça, exactement. Tu vois, c'est... c'est assez drôle, quoi, en fait. Mais pour moi, la scène... j'ai une chance inouïe d'avoir toute ma vie pu manger avec ça, en faisant de la musique, soit pour moi ou pour les autres. C'est un véritable bonheur. On n'a pas le droit de se plaindre, on n'a pas le droit de pleurer ou de dire des méchancetés sur les autres. Quoi. On n'a pas le droit. Éric Vincent te salue. Oui, bah oui, Éric. Lui, avec les tournées qu'il a fait dans le monde entier... Il continue l'année prochaine. Oui, je sais. À chaque fois, il dit qu'il s'arrête. Non, mais c'est comme le Maurice Chevalier. Hein. Voilà, bah oui. Mais ça, on comprend aussi parce que c'est une drogue, la scène. C'est pas vraiment une drogue. C'est une espèce de nécessité, un plaisir qu'on a connu. Et en même temps qu'on reçoit tellement que, si tu veux, c'est un véritable bonheur. On le doit, ce bonheur, aux gens qui viennent et puis nous, à eux, leur donner. On doit le donner le maximum. Le maximum. Avec les années, as-tu joué dans des lieux improbables? Ah ouais. On n'arrête pas de jouer dans des lieux improbables. Je te dis, c'est vraiment... vu la petite notoriété qu'on a, ça nous permet de jouer partout. Et chaque lieu est improbable. C'est-à-dire que c'est incroyable. Mais en même temps, ça peut être le contraire. Tu rentres dans un lieu, c'est bien, c'est beau. Oui, oui. Ah bah oui, il y a des endroits absolument sublimes et des endroits complètement... pas faits pour le spectacle. Voilà, et on essaye d'organiser le truc. Il faut oublier tout ça. Oui, on oublie tout ça, mais en même temps, c'est la joie de jouer, quoi. Mais toi, tu peux t'adapter à tout, donc c'est pas le problème. C'est ce qu'on a voulu faire, là, avec notre système, quoi. On s'adapte à tout. Les gens, c'est vrai qu'ils viennent avec 3 smirmorques et 2 machins, ils sont obligés d'être dans des endroits, bon, Mais là, le cas de ce qu'on fait, nous, on s'en fout. C'est ta bagnole, les guitares. Voilà. Alors, on a une espèce de bagnole qu'on loue exprès pour les trucs, une petite camionnette Kangoo, là. On met tout dedans, plouf, plouf, ça prend 5 minutes. Et puis, on part, voilà. Théo, Théo, du soleil. Il y en a marre de tous ces cons qui nous surveillent. Théo, Théo, du soleil. Faudrait voir à laisser danser les abeilles. Qu'on soit faux cul, qu'on soit faux con, qu'on soit fauché, qu'on soit fauchon. Qu'on soit planqué dans un placard ou bien ringard à Saint-Lazare. Qu'on soit dragué, qu'on soit dragueur, qu'on soit tonton, qu'on soit flingueur. Qu'on soit fumé par une gitane ou bien fumeur de marijuana. Théo, Théo, du soleil. Et on a marre de tous ces cons qui nous surveillent. Théo, Théo, du soleil. Faudrait voir aller ses danser les abeilles. Qu'on soit David ou Farida, qu'on soit Kaït ou bien Rasta. Qu'il soit midi en Équateur ou bien minuit, Dr Schweitzer. Qu'on soit évêque au Vatican, qu'on soit dresseur de pélican. Qu'on soit danseur de French Cancan, ambassadeur au Yucatan. Et on est mort de tous ces cons qui nous surveillent. Théo, Théo, du soleil. Faudrait voir à laisser danser les abeilles. Sa motrace. Qu'on soit dernier au fond de la classe ou bien premier dans une impasse. Qu'on soit voyou, qu'on soit voyeur, qu'on soit matou, qu'on soit mateur. Qu'on soit sans dents ou cannibale ou président pas trop normal. Héo, héo, du soleil. Et on a marre de tous ces cons qui nous surveillent. Théo, Théo, du soleil. Faudrait voir à laisser danser les abeilles. Théo, Théo, du soleil. Et on a marre de tous ces cons qui nous surveillent. Théo, Théo, du soleil. Faudra bien qu'un jour on se réveille. Théo, Théo, on se réveille. À l'endroit où vous faites le spectacle ou vous vous rendez à l'autre spectacle puis vous couchez Non, en général, parce qu'on n'est plus tout jeune, on s'arrange pour arriver la veille du premier spectacle. Et après, entre les spectacles, il n'y a pas trop de kilomètres. Il y a 200 kilomètres des fois maximum, quoi. Donc on arrive dans l'après-midi. On s'installe, patati patata. Notre balance, elle est assez rapide parce qu'on est très, maintenant très adapté à notre truc. Après, ça dépend, on bouffe avec les gens ou pas. Mais souvent, on mange après avec les gens. Ouais, c'est mieux. Voilà, ça dépend, quoi. Parce que c'est bien, moi j'aime bien jouer en ayant faim. Ah oui, ok. Ouais, voilà. Ouais. Ah, c'est comme une voilà. énergie. Voilà, c'est... j'aime bien jouer en ayant. Parce qu'après, tu vas manger, donc c'est un... Voilà, voilà. Et puis là, on picole un peu, donc ouais. on picole pas du tout avant. Ah non, c'est vraiment... Ah non, c'est... Et, tu l'as... Et ça, tu n'as jamais fait ça? Ah non, jamais fait ça. C'est impossible. C'est parce que tu veux être professionnel? Je sais pas, c'est il faut avoir la maîtrise de tout, ouais. tu vois. Mais donc, après, puis, c'est autre chose. Même pas. Après, c'est la rencontre, les machins. Non, parce que voilà. là, en plus, toi, t'es l'artiste qui vient en région, donc on veut te faire goûter. Ah ben voilà, m'en parle pas. À chaque ouais, fois, on revient. Là, les derniers concerts, on est reparti avec 12 pots de confiture, des fromages. Ouais. Mais les gens nous donnent des trucs. Oui. Un peu comme... à l'époque du Moyen-Âge où les gens venaient, on leur donnait du fromage, du Exactement. Lait, du machin, des trucs. Mais de la région. Mais, et de la région. Donc on part avec une bouteille, avec des machins. Là, on nous a donné de la gentiane, on nous a donné des confitures. Alors vous êtes prêts pour une année de... Alors là, on a les confitures. Du coup, je vais écrire une chanson qui s'appelle « Les confitures de Nicole ». Heureusement qu'il y a les confitures de Nicole. Donc je vais pouvoir dire que tout est pourri, mais heureusement qu'il y a les confitures de Nicole. Donc c'est ça un peu l'idée. Mais les gens sont généreux. Non, bah, ils sont hyper généreux, mais tu sais qu'on va jouer chez les gens, ils nous reçoivent chez eux. Ils nous reçoivent très bien. Bon, moi je demande quand même qu'on ait chacun notre chambre, soit quand même confortable. Et ça, ils comprennent très bien. Et c'est formidable, quoi, parce que tout d'un coup, on partage l'intimité des gens. Et puis alors, moi, je fais un truc, c'est que je fais des photos des chiottes des gens. Ah oui ? Tu peux pas savoir ce qu'il y a dans les chiottes des gens. Les gens font des expos, mettent des photos, des machins. Chaque chiotte chez les gens, c'est un véritable musée. C'est un véritable musée. Peut-être qu'un jour, je ferai un bouquin là-dessous. Ah oui, publier ça. Parce que je garde toutes les photos et j'ai vu des trucs, mais incroyables. C'est exemple. Ben, j'ai vu par exemple chez une nana, mais je te l'ai peut-être raconté. Non. Elle faisait pour ses enfants, elle mettait tous les mois des tableaux, des photos de cinéma, de trucs différents. Donc c'était une véritable expo incroyable. 7e art. Voilà, et 7e art. Et en même temps, ses enfants ont compris la culture comme ça en allant aux chiottes. Ah, oui. Et ça m'a bluffé parce que c'était magnifique. Et puis, tu as toujours une photo rigolote, un tu machin, peux avoir, des affiches. Hitchcock, voilà, à bout de voilà. souffle de Truffaut. Voilà, des affiches de régionales, des trucs. Ouais. Et c'est vachement intéressant. Des fois, tu n'as rien. Mais des fois, c'est ça, quand tu rentres, tu non, as mais la je te jure, dans l'intimité. Ah non, non, mais c'est hyper intéressant. Et quand c'est t'es puis quand tu es reçu chez les gens, tu es reçu dans leur famille, dans leur intimité, tu vois. Ils t'invitent chez eux, tu bouffes avec eux, tu partages de la vie. Ça dépend. Dans les très gros concerts, on est logé à l'hôtel, voilà, et machin. C'est très bien aussi, hein, on adore ça. Mais c'est pas pareil, quoi. Est-ce que ça arrive que, parce que moi, j'ai fait une mini tournée avec les Wampas. Ouais, ah oui, les Wampas. Et on arrive à l'hôtel et il y a. Il y a le scotch, il y a la pizza, ouais. et tu vois toute la panoplie d'alcool qu'ils offrent à l'artiste, aux artistes. Ouais. On l'a, ça. Tony Truant, lui, Tu connais Tony Truant? Quoi, qui? Tony Truant. C'est un des Wampas? Oui, le guitariste. Ah ouais. Moi, je connaissais celui qui bossait dans le métro, là. Ah oui, Didier. Voilà. Oui, ils nous prennent tous pour des alcooliques et des machins. Ah ouais. Donc, nous on n'est pas tout, parce qu'on est un peu plus vieux, donc on ne peut plus se permettre de... Non, mais tu le ramènes à la maison, ton chanteur. Voilà, oui, on a ramené pas mal de whisky, de trucs, de machin, de Jack Daniel, whisky un peu tourbé. Fait maison. Non, à chaque fois, on est bien reçus. Mais nous, comme on picole pas avant, des fois, on les déçoit. Et puis après, on les déçoit pas parce que... Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Vous suivez le train en marche. Voilà. On vit sous le même ciel, mouillé des mêmes pluies. On se dit fraternel pour ce qui est de la vie. Mais on ne se connaît pas. On a les mêmes yeux. Mouillé des mêmes larmes, on a les mêmes yeux pour faire briller son charme, mais on ne se voit pas. On parle mots. On dit beaucoup, beaucoup de choses qui sont souvent de trop, mais on ne se comprend pas. On a les mêmes désirs avec les mêmes chagrins. On a les mêmes plaisirs d'un bonheur sans fin. On ne se donne pas. On a les mêmes rides gravées sur le visage. On a les mêmes rides sous notre maquillage. Mais on ne veut pas vieillir. On a les mêmes corps nourris des mêmes envies. On a le même sort tout au bout de la vie. Mais on ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. On ne veut pas mourir. Et dans les chansons que tu proposes aux gens, en vois-tu quelquefois qui chantent et qui chantent? Ah oui, alors ça m'énerve. Parce qu'ils sont au premier rang et ils connaissent, certains connaissent presque mieux que moi les paroles, comme moi j'ai tendance alors, des si fois. Tu te trompes, ils savent. Ah ben ils savent tout de suite. Et j'ai tendance à changer. Alors j'ai mes antisèches, j'ai un système avec mes antisèches, claque, je peux jeter d'un coup d'œil comme ça. Mais oui, ils chantent en même temps. Pour les vrais fans, quoi. Bon, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un peu. Ah ouais, il faut pas. Mais sur Internet, comme on peut voyager, hein, tu peux rester chez toi et connaître des artistes comme moi je le fais. Ouais. Et après ça, ben, je me déplace pour vous rencontrer. Donc, as-tu des fois des retours de personnes que tu n'imaginais jamais qui pouvaient écouter tes chansons et, Oui, on a à chaque fois, il y a des gens qui découvrent, tu vois, et puis il y a des gens qui se rappellent de moi à l'époque, qui disent oh, bah oui, t'es quand même un peu plus vieux, machin, etc. Et puis on arrive à les embarquer. Okay. Mais on a beaucoup de chance parce que notre truc est assez convivial, sympa. Sans prétention. Sans prétention et en général, ça fonctionne bien, quoi. Et avec les années, tu as appris à faire des spectacles sans trop de stress. T'es pas un traqueur? On n'est pas trop traqueur, mais il y a quand même une petite inquiétude à chaque fois avant de monter sur scène, si tu veux, où tu te dis, je vais être pendant 2 heures devant des gens, pourvu que je les fasse pas chier, quoi, que je les emmerde pas. Donc, il y a quand même toujours une petite inquiétude qui se traduit par une sorte de trac qui disparaît. C'est un bon trac. Voilà, mais c'est un bon trac, quoi. Mais il y a toujours quand même une petite angoisse de machin. Et ça, c'est pour ça que tu continues à en faire. Si et puis, on aime ça, quoi. On aime vivre dans un certain danger, pas danger, on ne peut pas appeler ça quelque chose de dangereux, mais si tu veux, c'est... une adrénaline. Voilà, une adrénaline, et en même temps, se dire, pourvu que je ne les emmerde pas, et puis il y a toujours l'inquiétude de est-ce que le son va être bon, est-ce qu'ils vont comprendre les paroles, parce que l'autre con, il envoie méchant, donc... Mais enfin bon, on a monté un truc où ça fonctionne bien. Bon après, on dépend quand même de... c'est toujours une inquiétude. Ouais, stress, j'appelle ça une inquiétude. Okay. C'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de nécessaire quand même avant de rentrer sur scène. Et ça te permet d'avancer. Et ça permet d'avancer, bien sûr. Le défi permet d'avancer en permanence. Sinon... la vie ça sert à rien de le faire. Hein? Ben voilà, ça sert à rien. Sinon, on aurait arrêté depuis longtemps. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'au fil des années, au fil des albums, tu as toujours quelque chose à dire, tu as toujours du matériel, tu as toujours... Bon, ça, tu te mets à l'écoute des gens, hein. Tu écoutes les histoires, il y a une belle fille qui passe, tu as envie de lui dire machin, mais tu vas te prendre un râteau, donc ouais, c'est une super histoire. Alors mieux vaut la chanter, comme ça tu ne trouves aucune plaque sur la voilà, gueule. Voilà, voilà. Non, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire, l'air du temps, les machins, il y a toujours des choses... Moi, je ne crois pas au manque d'inspiration, je crois au travail. C'est-à-dire, tu te mets devant ton machin blanc, là, tu commences à écrire, et puis, alors, au début, tu écris n'importe quoi, et puis, tout d'un coup, ça vient. Et puis, des fois, tu as des phrases que tu entends, comme ça, et plaf, tu as déjà le refrain, donc tu sais comment construire l'histoire autour. Et pareil pour la musique, tu as tout d'un coup quelque chose qui t'arrive dans la tête. Et puis, ce qui est formidable, c'est de se dire, je vais faire quelque chose qui n'existait pas le matin, quoi. Oh, oui, okay. Et qui va exister le soir. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est que... C'est fait. C'est que ce soit fait. Tu choisiras après. Voilà. Une va éliminer l'autre. Voilà. Et ça, c'est super important. Mais en même temps, avec les années, une chose qu'on peut dire, c'est que tu te sens très à l'aise avec une guitare, avec un micro, il n'y a pas de... Très à l'aise, enfin, moi je suis à l'aise, oui, mais si tu veux, ma technique, elle est quand même un peu limitée. Bon, moi je joue un peu de piano aussi, je fais des trucs au piano et guitare, mais c'est pour ça que j'ai un partenaire qui, lui... est un formidable environnement. Enfin, il fait des choses à la fois avec des sons clairs, des sons saturés, des trucs. Ça enveloppe bien le truc, c'est ça que je voulais. Et en même temps, ma technique, moi je suis un très bon guitariste rythmique. Si tu veux, je fais le tempo, le machin, le rythme. Et j'ai une espèce de planche de bois, tu vois, où je tape dessus comme ça, qui est ce qu'on appelle une espèce de... C'est une planche, en fait, dans laquelle il y a un micro dedans et qui permet de faire... C'est une genre de boîte à rythme. Oui, mais sauf que c'est pas une boîte à rythme, c'est-à-dire c'est toi qui fais le... C'est le pied, c'est le pied. C'est manuel. C'est manuel. Ce que faisaient les bluesmen, d'ailleurs, qui jouaient dans la rue, etc., avec une caisse en bois et qui tapaient sur la caisse pour que ça résonne, ça fasse un espèce de beat, voilà. Ce n'est pas une danse, ni même une romance. Ce n'est pas un parti politique pourri. Ce n'est pas particule, microbe à testicule. Ce n'est pas une recette venue d'autre planète. La magouille, mon petit gars. La magouille, ça s'apprend pas. C'est une maladie honteuse de l'esprit qui s'attrape en naissant ou après ça dépend. C'est un drôle de virus, plus malin qu'une puce, plus vicieux qu'un serpent qui fait du sentiment. La magouille, mon petit gars. La magouille, ça s'apprend pas. Elle n'a pas de frontières, de pays qu'elle préfère. On peut la rencontrer, même chez les pygmées. Ce cher vieux Talleyrand et mon ami Roland, ce voisin de clavier, pourrait vous en parler. La magouille, mon petit gars. La magouille, ça s'apprend pas. Mes copains m'ont dit, si tu veux que dans la vie tout se mette à marcher, il te faut magouiller. Alors j'ai essayé et me suis retrouvé en quelque temps, mon petit président du pays. La magouille, mon petit gars. La magouille, ça s'apprend pas. La magouille, mon petit gars. La magouille, j'en suis le roi. Enfin, moi, j'ai besoin que ça soit... qui est une espèce de pulse. En plus, ça fait une assise de plus. Voilà, ça fait une assise. Des fois, je... Alors, ce qui est bien avec le système que j'ai trouvé, c'est que Si tu tapes fort, ça fait fort, et si tu tapes doucement, ça fait doucement. C'est pas un sample, tu vois. Et j'ai trouvé ce système en Australie, figure-toi. Enfin, en cherchant sur Internet, je suis pas allé là-bas. Hein. Mais et j'ai trouvé ce système. Et en fait, c'est une vraie planche de bois avec un micro dedans. Ah ouais, c'est bien. Puis là, voilà. Tu branches sur. Et alors, je branche ça sur une espèce de cube de basse de la Sono. C'est en mettant que des basses pour avoir du truc qui te rentre dans le beat, quoi. Et après, tu jongles avec ça. Alors, c'est une façon de faire et un son qui est unique. Voilà, un son qui est. Voilà, c'est ta signature. Voilà, qui marche avec ce qu'on fait. Mais si tu veux, mon guitariste, des fois, il est énervé parce que je sais pas faire des gros trucs saturés, machins. Ouais, ouais. Mais bon, comme il m'aime beaucoup, voilà. Est-ce que déjà fait un album solo Qui Jai? Oui, Jai. Non. Là, je l'ai obligé justement sur l'album à mettre un titre donc Apache. Qui est que de la guitare. Hein. C'est, okay. Moi j'ai fait de la basse, mais j'espère qu'il va. Il ne veut pas chanter. Non, il ne peut pas chanter parce que. Alors il a essayé de chanter, il avait même fait des auditions pour jouer dans le métro. Tu sais, à Paris, il faut passer une audition. Et le mec lui a dit on ne veut pas de toi parce que tu ne sais pas chanter. Et alors il fait un complexe là-dessus. Ouais, alors, mais par contre, je lui fais faire plein de chœurs, okay, des trucs. Des machins. Et heureusement que c'est pas chanté, parce que si ça avait chanté, moi je pourrais. Ah ouais, là, ta vie, ta carrière serait terminée, mais ouais. Voilà. Donc il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Donc c'est j'ai de la chance. Qui aurait pris toutes les filles. Voilà. Alors, voilà. Exactement, déjà qu'il les prend beaucoup. Ah, ouais. C'est le look, hein. Ouais. Ah, j'ai une petite question, comme d'habitude. Ouais. Si tu étais un liquide. Si j'étais un liquide. Un liquide moi je serais. Peut-être du Chardonnay, tu vois. Ouais. Il est frais, il est bon? Oui, il est bon. Enfin, moi, je bois du Chardonnay. Ok. Si tu étais une ville, moi, je serais la mienne, Paris, parce que j'y suis né. Et je crois que je la connais assez bien. Je connais les petites rues, les trucs. Je les fais beaucoup à pied à une époque où, avec mon pote Crermano, on jouait dans les bistrots, dans les machins. Moi, j'adore cette ville. Il y a plein de quartiers complètement différents. Quand tu vas à Ménilmontant, c'est complètement autre chose. Ici, c'est différent. Dans le 6e, c'est encore différent. Montparnasse. Et puis, c'est cosmopolite. Il y a le monde entier. J'adore cette ville. Ouais. Et bien, quand tu vas en tournée, tu savoures aussi toutes les petites régions. Ah, bah oui. La Normandie, la Bretagne, ouais. Le sud, machin, on le savoure évidemment. Mais au bout de quand même un certain temps, j'ai besoin de retourner dans la ville, de pouvoir aller dans les bistrots, dans ma ville, ouais. De pouvoir aller dans mon bistrot, discuter avec les pochetrons du coin qui m'apprennent tout. Ah, c'est bien. As-tu déjà été en Suisse ou en Belgique? Oui, je suis allé en Suisse, en Belgique, pas mal en Suisse, à Lausanne, à Genève. Est-ce que tu veux y retourner? Oui, on y a tourné. Et puis, Est-ce que tu veux y retourner? Ah oui, bien sûr. Et en Suisse, c'est assez intéressant parce que ce qui est drôle, c'est comme au Japon, tu as des restaurants, des gens qui sont dans les étages. Oui. Tu vas au 4e étage, tu as un espèce de truc à 2h du matin, tu peux bouffer avec des gens. C'est vrai. Ça, c'est incroyable. Oui. Ils sont tellement gentils. Ah, ils sont formidables. Moi, je suis allé à Lausanne, là, c'est vraiment. Ouais. On mangeait devant un lieu public, les gens nous disaient ben, je vous souhaite un très bon appétit. Ben oui, mais les gens se parlent. Ah oui, ça, c'est aussi un truc que, à Paris, c'est sauf dans certains quartiers. Les gens sont un peu froids. Ils ont peur de l'autre. Mais dans certains quartiers, c'est pas vrai, quoi. Ouais. Une fois que tu es admis, hein, il faut être admis. Être connu. Je vois à Ménilmontant, qui est un quartier très cosmopolite. Il faudra que je t'emmène d'ailleurs à la cantine, une espèce de pierre où viennent tous les artistes. Une espèce de bistrot, machin, formidable. Ah, oui. T'auras l'année pas prochaine. Le temps, là? Non, mais l'année prochaine. Ah bon? Je vais à chaque temps, fois, tu dis ça. Ah, mais c'est vrai! Non. Oh non, bon, ok. L'année dernière, t'avais dit la même chose. Non! t'avais dit que tu viendrais avec nous, qu'on pourrait t'emmener. Non, c'est pas ça, parce que même l'année dernière, j'étais même pas... T'es archi-booké, quoi, t'es une star. Ouais, bon, je suis une star, entre guillemets, mais ce que je veux dire, c'est que je devais même pas revenir à Paris, parce que je voulais pas renouveler mon passeport. Ah ouais. Mais j'ai changé d'idée parce que je suis pas un con. Ah ben voilà. C'est juste les cons qui changent pas d'idée. Voilà, exactement. Si tu étais une langue... Une langue étrangère, tu veux dire? Ouais. Ou même la tienne. Ouais. Des hommes recherchant l'amitié, le diable partit visiter la terre. Il prit le sourire de l'été et s'en fit un habit de lumière. Mais le diable découvrit, stupéfait, que leurs yeux étaient fermés. Déçu, le diable reprit sa course et fit éclater sa joie aux quatre coins du monde, devenant chant d'oiseaux et murmure de source, symphonie du vent et musique de l'onde. Mais le diable découvrit, stupéfait, qu'il n'entendrait plus jamais. Obstiné, le diable se transforma en homme, invoquant tout le pouvoir de la séduction. Il étala ses trésors, offrit ce que l'on nomme plaisir, amour, argent, le tout sans restriction. Mais le diable découvrit, stupéfait, que leur sens était figé. Découragé, le diable rejoignit sa maison et sa haine éclata au travers de la terre. Il envoya la mort sur toutes les nations, semant le désarroi, le feu et la misère. Mais le diable pleure encore, car les hommes, bien que vivants, étaient morts. Vivant était mort, car les hommes, bien que vivant, étaient morts. Car les hommes. Alors, moi j'ai inventé une langue qui s'appelle le lopteke, qui est une espèce de phrasé un peu dans lequel je mélange des trucs. Alors, c'est souvent un peu. Ça va vers les pays de l'Est, plutôt les pays de l'Est et l'allemand, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand j'étais gamin, j'ai vécu un peu en Allemagne, mais je serais ça. Et quand j'improvise, des fois, je chante dans cette langue. J'invente des mots. J'avais bien aimé ce qu'avait fait Magma avec le Cobayen, mais lui, il avait structuré le truc. Oui, oui, oui. Ouais, vraiment, c'était moins. Voilà, alors que moi, c'est complètement de l'impro, c'est un peu une arnaque, mon truc. Ah, c'est bien, mais enfin, c'est je m'amuse. Ah oui, parce que c'est jamais pareil. Voilà, c'est jamais pareil. Si tu étais une époque. Une époque, figure-moi, moi, j'aime bien l'époque dans laquelle je suis. J'aime bien l'époque parce qu'elle m'a permis de passer, si tu veux, dans tout l'ensemble de ma vie, d'époque où on pouvait faire beaucoup de choses. Et maintenant, on fait moins de choses, mais en même temps, on a des ouvertures. L'invention du GPS, c'est quand même pas mal. Surtout quand tu veux voyager. Voilà, et ça dépend du regard. Bon, après, c'est vrai qu'on a moins de liberté. Bon, ça, c'est un truc que je reproche un peu à ma génération, où dans les années 70-80, on faisait tout ce qu'on voulait et on leur a fait un monde un peu interdit. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, j'aime bien cette époque. J'y peux rien. Si tu étais un mot Ce serait liberté. Voilà, tout le monde doit te dire ça. Donc, ben, c'est assez souvent, mais hein, je crois que ça cadre bien avec ce que l'on vit actuellement. Voilà, oui. Si tu étais un aliment. Un quoi? Un aliment. Un aliment? Oui, un aliment. Alors, moi j'ai une gourmandise particulière pour les meringues. Ah, moi aussi? Putain, j'adore. C'est bon, ça fond dans la bouche. Ah ouais, les meringues avec de la chantilly. Oui, oh, oui. Oh là là, ça c'est... Mais moi quand je commence à manger, je mange tout. Hein. Ah oui, bah, moi aussi. Ouais. Mais c'est tellement bon. C'est... Ah ouais, c'est bon. Si tu étais une saison... Une quoi? Une saison. Une saison? Bah, je serais plutôt... le printemps, parce que c'est là où les choses se réveillent et donc les fleurs, les jolies femmes tout d'un coup se mettent à leur avantage, il y a du soleil. Et puis ça dépend des endroits, mais en général j'aime beaucoup cette saison. Voilà. Mais en fait je les aime tous aussi. Ouais. Pour, le leur mystère, pour leur mystère. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et si tu étais un moment de la journée? Un moment de la journée? Alors, j'aime bien plutôt le soir, dans la nuit, quand on va jouer, qu'on entend la rumeur du public qui est là, on entend des espèces de borborygmes de gens derrière le rideau quand, où ils sont là. Et c'est la nuit, on va être éclairé. J'adore ce moment. Ça commence à griser un peu. Là, voilà, voilà. Ouais. Enfin, j'aime bien ces heures-là. Et puis, c'est l'heure du partage. On bouffe avec les copains. C'est l'heure de l'apéro, l'hiver. C'est plein de choses comme ça, tu vois. Ça me touche beaucoup. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je crois, oui. Je crois que je ferais le même chemin. J'essaierai d'éviter quelques grosses conneries que j'ai faites. Tu sais, le problème dans la vie, c'est que des fois, il faut choisir là ou là. Et puis, des fois, on ne sait pas très bien pourquoi on va là ou là. Donc, j'ai dû faire quand même de grosses conneries. Mais dans l'ensemble, je crois que tout le monde en fait. Donc, dans l'ensemble, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Tu fais combien de tournées dans une année? T'as combien de villes dans une année? Combien de spectacles? Ça varie entre 50 et 80. Quoi. Ça dépend des moments. Et ça a bien été l'année dernière parce que je te suis oui, sur oui, Facebook. Oui, oui. On tourne beaucoup. Des fois, on n'annonce pas les trucs quand c'est chez les gens, des machins. Mais, mais on a besoin de... Non, c'est entre 40 et 80 quand il y a des trucs à la suite, quoi. Et ton collègue boit beaucoup de boissons énergisantes, hein? Oui. Il carbure à ça, hein? Oui. Mais toi, non, pas vraiment. De quoi? Des boissons énergisantes, je le bois souvent avec des boissons énergisantes. Ah oui, bah, oui, oui, non. Non, mais ça, on fait exprès de prendre des photos avec oui, du Red Bull oui, et des clubs pour provoquer un peu les gens. Ah, ben ouais, ça fonctionne bien. On s'est rendu compte sur les réseaux, on met une chanson, ouais. Machin, on a peut-être 80 personnes qui disent machin. J'en fais partie. On met une connerie avec des Red Bull, des machins, on en a 200. Tu vois, les gens, ils sont... Il faut leur mettre des trucs, alors on s'amuse à mettre des trucs. Des ok, copies. Parce qu'il y a une réaction et quand il voilà, y a une réaction... Voilà, non mais, et puis c'est bien, et puis en même temps, je pense que ça leur fait plaisir parce qu'on leur raconte des petites histoires. On monte la scène avant de jouer, on raconte un petit détail, bon voilà. Du matin, bord d'Italie, les rôles du charge, le dernier rempli, le cerveau gonflé par les illusions, les musiciens grimpent dans le camion. J'embraye la première, on taille la route, c'est l'heure où s'efface le dernier doute, et sous le pare-brise en cinémascope, chacun se prend pour la superstar du rock. Hey, punky rocky, baba cubesco, rien ne vaut la galère des musicos. Baba cool West Coast, tu ne connaîtras jamais la galère des musicos. Tiens là le péage à l'horizon, et comme un con j'appuie sur le bouton. Faudra que j'en parle à mon cheval, pour que ce soit gratuit pour Abriel. Chaque border city, c'est leur pipi. Tout le monde est sans se shooter un wimpy. Faut bien que je soigne mon hépatite, à remplir du gasoline dans les frites.